C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit Yann Martel du service aux étudiants qui vient de parler de la journée carrière. Et Maxime Lemieux-Ramé nous apporte ses découvertes musicales dans Télécharge quoi? À assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de Six Fois à Trois-Rivières, mercredi 19 janvier. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Salut, François-Olivier Marchand. Ça va bien, Mathieu Plante? Oui, en effet, François-Olivier Marchand. Merci. Ah, t'arrêtes ça là, toi? Ben oui. La blague, t'as fini. Hein? Ouais. C'est un petit peu long, hein? C'est oui. Redondant. Et... Donc, à l'émission d'aujourd'hui, on a un plan extrêmement chargé, n'est-ce pas? Oui, exactement. On reçoit Yann Martel du service aux étudiants qui vient nous parler de la journée carrière. Donc, oui. Ça va être intéressant. Ça se déroule au CAPS. La semaine prochaine? Oui, exactement. Mercredi prochain. Donc, parfait. On a aussi Maxime Lemieux-Ramé, notre chroniqueur émérite. C'est ça le mot? Oui. Pour nous présenter ses suggestions musicales, ses découvertes qu'il a fait pendant la semaine qui vient de se passer. Merveilleux. Ça, c'est autour de 8 heures. Parfait, merveilleux. Et puis, vers la fin de l'émission, bref, dans le dernier droit d'émission... Dernière 15 minutes environ. Gérard-André Baudet qui vient de parler, qui fait son lancement de disque ce soir du côté de l'embuscade. Gab, exactement. Gab. C'est lui le nom que vous remarquez tout le temps sur votre petit coupon quand vous allez à la caisse. Hein. Quand vous faites un retrait, ça dit « restant du Gab », tu sais. Ah, je sais pas. C'est l'argent qui reste dans votre Gérard-André Baudet. Ah oh, ouais. C'est ça que ça veut dire. C'est pas ça? Non. OK, donc à l'émission aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va avoir plein d'autres affaires aussi autour de ça. De la viande, du contenu, de la petite sauce, de la gravy. Aussi. La gravy. C'est très nécessaire le matin de boire un bon verre de gravy. Arc. Non. Ouais, le matin, ça doit être assez, hein? Je vais peut-être mourir jeune, on sait pas. Eh hey boy, ouais, je pense que ouais. Alors, on va entendre Rara Riot tantôt, mais on commence avec Yann Perrault. Voici La vie n'est pas qu'une salope. Sur C'est fou, 89.1 FM. Gravy. Ouais. La vie n'est pas qu'une salope, rodéo effréné. Jument sauvage, elle galope, toc à la chevauchée. La vie n'est pas qu'une salope, quand tu la cherches, elle sait te trouver. En dedans, dehors, dans la nuit, au matin, peu importe, tu ne peux rien lui cacher. La vie n'est pas qu'une salope. La vie n'est pas qu'une salope. La vie n'est pas qu'une salope. La vie n'est pas qu'une salope. Et quand ça pleut dans les tranchées, c'est ton allié la plus puissante et la plus forte. T'as qu'à te tenir et la rider. La vie n'est pas qu'une salope. Et si le feu rôde à ses côtés, en dedans, dehors, dans la nuit, au matin, peu importe, n'oublie jamais la beauté. La vie n'est pas qu'une salope. La vie n'est pas qu'une salope. La vie n'est pas qu'une salope. La vie n'est pas qu'une salope. Je m'en sauvage, je galope. Yeah. don't understand it. You're too dramatic. Rara Riot et Too Dramatic à Assemblage Requis à Cifou 89 FM. crazy man. Live, c'est moins beau. Hein. Ouais, c'est pas super. Pas super. Non, tu l'as bien. Ouais. Oh, oui. Ouais. Mm-hmm. Ah ouais. Mm-hmm. T'as dit. Ah ouais. T'as dit. Ah ben. Ben, ok. Eh ben. Bon. Donc, avant ça, c'était Yann Perrault, évidemment, avec La vie n'est pas qu'une salope, de son album nommé Nucléaire. C'est vieux, ça. C'est vieux, mais c'est bon. Oui, ça reste bon. Sais-tu, ce qui est vieux puis ce qui est bon, François, ça me rappelle quelque chose. Du fromage? Ouais, aussi, aussi. Certaines sortes, là. Il y en a qui sont pires que d'autres. Non, ça me rappelle l'émission C'était fou. C'était fou? Les jeudis à 13h. Au 89 FM, l'émission où je présente des pièces de palmarès d'antan. Hey, c'était bon cette semaine, en fait. Écoutez. Mais oui, certainement. Ouais. On a retrouvé Plus 44. Oui. Qui était numéro 1, si je me trompe pas. Un, deux, je pense. Deux. Il me semble, mais je suis pas sûr. Ouais, c'était bon. Ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu ça. Moi, c'était Grimmskunk que j'étais très, très surpris d'apprendre d'entendre. Que la pièce francophone, c'était du Grimmskunk et j'adorais cette pièce-là. Ah ouais, c'est vrai? Je me rappelais pas que c'était Grimmskunk. Le côté anglophone, je me rappelais très bien que c'était eux. Mais je trouve ça le fun de me rappeler de choses comme ça. Et puis, si vous êtes pas des nostalgiques, que vous écoutiez pas ces fois à ce moment-là, vous quand même découvrir de la nouvelle musique. Parce que si vous ne l'avez pas entendu, ben c'est nouveau pour vous. Hein? Hein? Donc c'est jeudi 13h dans C'était fou. On rappelle les mardis matin à 9h. Nous, on va retourner en musique tout de suite. Tout à l'heure, on a la chronique C'est un fait qui s'en vient. C'est vraiment très, très proche. On va parler entre autres de Lynyrd Skynyrd et de la Tour Eiffel, de la langue Navi dans le film Avatar. Et puis un fait sur Scooby-Doo. Scooby-Doo. Toujours Scooby-Doo. C'est ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu parler. Scooby-Doo? Oui. Scooby-Doo. Exactement. Ouais. Donc on retourne en musique avec Los Campesinos. Voici Romance is Boring. Sur C'est fou dans vos oreilles. C'est fou les boulis boulis fou. Darling, I'm with Saint Bernard and we're scouring the Alps and the Andes. And if they died and it is on my head, they follow poor prints in the snow to my throne, to my bed. Drums echoes in the pulse beat of the young braves. Now! that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Yo, it's the W.A. X to the Taylor. Combined with the crew that brought you cosmic play. State of mind. And we came to invade ya. Save for the raiders of mics across waiters on our way to the neighboring nation. Craving the taste of this great innovation. Pain termination with the brain stimulation. And raising the stakes with the naked sensations. Inspiration. Like the wax on the table. Insulation. Was wrapped around a cable. Intonation. Treble basin. Devil chaser with the rebel nation. Heavy crates and the rhyme books near me. Mind's gone weary, but the lines come clearly. Einstein's theory. Answer to your queries. V equal MC squared. Can you hear me? State of mind. Funky with the rhymes, I'm positively inclined. And the halo of the wax got the tracks, that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Sit back and recline. Sit back and recline. And I'm the G-R-E, E to the N. Me with the pen, read for beats and rhymes to increase them. And soul's been sold. Slow your roll, don't fold your scroll. And that gold you hold ain't shit if you don't know. Your own motivation, race it to the console. Insert a turn of phrase, last word, boss, it's initiate. Now shit focus. Cloud shit smokers. Loud hip hocus. Focus through the dopest and I hope this. Quote sets, note this. Console blows and it's just too much to cope with. It's hopeless. Oh shit, now the ropes rip. Over the microphone cord, oh lord. Samurai sword, all aboard. And swarm the stores like some Mongol hordes. Cause it's F to the U and K to the Y. The P to the O, E, T and I fly. That we flow on mics is sky high. Keeping no seats free and not a single eye dry. Yeah, yeah, a state of mind. Funky with the rhymes, I'm positively inclined. And the halo of the wax got the tracks, that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Sit back and recline. Sit back and recline. Development of resting. Yeah, enveloped in the session. Keep it mellow, no aggression. Making it fresh like a Tribe Called Quest. Cause we dwelling on this section. Uh-huh. And if you're swell headed and stressing, then leaving fellas in recession. Fate says go away, yo. Come to the show and check the ASM flow. And now you know. A state of mind. Funky with the rhymes are positively inclined. And the halo of the wax got the tracks, that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Yeah, that's right. A state of mind. Funky with the rhymes are positively inclined. And the halo of the wax got the tracks, that's refined. Space and time. Bends the bass in line. Yeah. Ah, François. Ça sonnait bien, je moins bof, là. Wax Taylor. Avec la pièce, vas-y, Matt. Je te laisse. C'est la pièce Positively Inclined. Exactement. Et c'est très, très, très bon. Oui. Très, très bon. J'ai recommandation de Roxane Gagnon. Ben, bonjour, Roxane Gagnon, animatrice de On se la joue. On se la joue. Avec Marie-Michel Dupuis aussi. C'est tous les jours, là, avec l'heure, là. C'est là le jour, là. Celui qui finit par dit, là. Dit, il y en a pas mal. C'est les mardis soirs à 18h, si je me rappelle bien par cœur, comme ça. Là. Je vais aller voir. Mardi, 18h, oui, et ça rejoue les lundis à 15h. On se la joue. C'est tellement bon que ça rejoue. Ben, c'est ça, c'est on se la rejoue. On se la rejoue. Ça devrait s'appeler de même la rediffusion. Ouais. On pourrait dubber, là, genre faire un doublage de toutes les fois où ils appellent ça on se la joue pendant l'émission. On se la rejoue. Avec la voix de Mathieu, ça serait beau. C'est ça, rejoue. Oui, ça marche. Rejoue. Rejoue. Vous êtes à Assemblage Requis ou que vous ne l'auriez pas remarqué par le manque de pertinence? Disons que c'est un bon indice pour savoir que cet assemblage requis. L'audio jeudi de 7h à 9h avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Après cette merveilleuse demande spéciale, j'ai moi aussi une demande spéciale. Oh ouais! Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui, oui, ah, oui. Et puis c'est quoi, Mathieu, ben, ta demande spéciale? C'est notre très bon ami Danny January. Oh, Monsieur Janvier. Danny Janvier, animateur du Dîner de con. Vous savez qu'il a un nouvel album qui s'appelle Wells Vagina. Oui. Wells Vagina. Qui est sorti dans le temps des fêtes. Faut le chuchoter parce que c'est obscène. Ben, c'est pas super. Where's vagina? Non, non. Non? Non, non. En anglais, c'est moins pire parce que les gens comprennent pas trop, nécessairement. C'est ça, exactement. Les gens qui savent pas que tu peux enlever une lettre puis tu comprends. En français. D'ailleurs, c'est des qu'on peut trouver sur Internet? Oui, oui, sur biobazar.bandcamp.com. télécharger ça dans votre lecteur MP3, ordinateur, exactement. PC, Mac, Linux même. Et puis, Danny, d'ailleurs, il va faire un spectacle le 19 mars prochain. Oui. C'est à la salle. Et là, écoute, je m'avance un peu trop. La salle, je sais pas exactement. Je sais que c'est au Cap. Je pense que c'est Pauline Julien. Je ne suis pas certain, par exemple. Pauly J. Hein? Pauly J. Pauline Julien, c'est le même que je l'appelle. Ah, OK. Pauly J. Je savais pas que tu étais si... Ouais, c'est ça, avec. Mais, ouais. Est-ce qu'on peut aller écouter la pièce pendant que tu cherches la place? Ben oui, certainement. Donc, on va écouter le remix, la pièce Crazy Ride. C'est un radio edit qu'on appelle. Radio edit, parce que ça joue dans le radio 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Et comme il dirait, enjoy! Projet Biobazar et la pièce Crazy Ride à Assemblage Requis. Biobazar qui est dernier janvier. Et on vous conseille d'écouter le Dîner de con du lundi au jeudi entre 11h et 13h. Après la pause, c'est vrai, c'est la chronique, c'est un fait. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. Oui, c'est vrai. François ou François. Mathieu Tousignan-Plante. Trédignon-Plante. Trédignon. Tousignan-Trédignon-Plante. François Trédignon-Allier. C'est dur avec les ponctuations de tout dire, je trouve. Ouais, on n'est pas obligé, par exemple. Ah non, ah bon, phew! As-tu d'autres on affaires véridiques à me dire, même? Oui, écoute, Biobazar, c'est au Centre culturel Pauline Julien. Donc, voilà, en fait, là. Donc, c'est bien Pauline J. Hein? C'est bien comme je l'appelais, Pauline J. Pauline J. Pauline Julien. Si, Pauline J, Centre culturel. Si, ouais. Si. Cultural Center. Pauline Julien. Ben, merci, François. Ben, fait plaisir. Bon, ben, ça, c'est un fait, j'imagine. Tout à fait. Bon, ben, veux-tu d'autres? Non. Bon. Fait, qu'est-ce qu'on fait à la place? As-tu un CD, la musique, quelque chose, non? Oui, écoute, j'aimerais... OK, bon, c'est un fait. Parle à Dactylo, François. Ring! Okay. Hein? Pour petit bruit. Tu fais mieux que moi. T'es meilleur que moi pour tirer sur des affaires. Pas des tondeuses. Ouais, c'est ça. Plein d'affaires. Des souffleuses. Donc, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les trois V. Vavavou, en effet. Donc, commençons avec un très intéressant fait. Très intéressant. OK, commençons avec celui-là. Vas-y, tu m'intrigues. Bah, pourquoi pas t'intriguer encore plus? Savais-tu que la langue Navi, dont on parle, ben, en fait, c'est la langue qu'on utilise dans le film Avatar, hein? Tu connais Avatar? Oui. Ouais. Non, pas encore. Très bon film. Ouais, tout le monde me le dit, je l'ai pas encore vu, je me sens tellement mal. Ça a été inventé par un professeur au collège. C'est Paul Frommer, un professeur en linguistique à l'Université de la Californie du Sud, Southern California. Il a été approché par le réalisateur James Cameron avec une tâche unique, créer une langue unique, elle aussi, qui va être donc la langue utilisée par les extraterrestres Navi dans le film de James Cameron. Frommer a reçu une base de 30 mots avec laquelle travailler. Il a ensuite développé ça en un langage très, très large, de au-dessus de 1000 mots. Hein? Bien sûr, la langue devait être facile à parler pour les acteurs du film. Donc, Frommer était limité dans les sons, juste des sons que la bouche humaine peut faire. Il a choisi de laisser faire les lettres B, G, J et CH, ben dans le fond, le son CH. Et à la place, il a inclus une série de glottal stops, qu'il appelle, des arrêts glottaux, disons, et de cliquements de langue qui sont similaires à la langue de l'Afrique du Sud, le Xhosa. Le résultat, apparemment, fonctionne très bien dans le film. James Cameron voulait une langue étrange et extraterrestre, mais douce et attirante. Intéressant. Intéressant. Est-ce que tu trouves que le but a été atteint? Tu l'as vu, toi, Avatar? Oui, certainement. Écoute, sincèrement, je me rappelle pas... De la langue, ça te laisse... Non. Je m'en rappelle pas du tout. François, savais-tu que la forme la plus commune de meurtre en Grande-Bretagne, d'accord, le meurtre le plus répandu, c'est un mari par sa femme ou la femme par son mari, donc un mari-femme, son mari-femme, dans la cuisine avec un couteau à pain. Comme dans les films. Comme dans les films, un couteau à pain. Ça coupe pas bien un couteau à pain. Hein? Tant que ça perce. Ah, ben, c'est le meurtrier en toi qui parle. En 1991, Wayne Allwine, qui a fait la voix de Mickey Mouse, a marié Rossi Taylor, la voix de Minnie. Ah! Ah, ben, OK. En 1991, la voix de Mickey Mouse, la voix de Minnie Mouse. Tu sais, non? C'est intéressant, ils se sont rencontrés sûrement en enregistrant les voix. C'est cute! Ah, c'est si cute. T'as trouvé ça qui est un... Qu'est-ce qu'il y a? Alors, dans l'émission Scooby-Doo, le vrai nom de Shaggy est Norville Rogers, en anglais. Norville Rogers. Non. Eh bien, on apprend des affaires. En 1995, la NASA a acheté 6... Non. Oui, 6 hiboux de plastique d'un Walmart en Floride pour faire part au pic-bois qui se promenait autour de la navette spatiale. Ils ont acheté 6 hiboux de plastique. Bon. Hein, je suis en train des affaires. Eux autres aussi, on recourt à des méthodes, des hiboux pour chasser les oiseaux. Ouais. Ils sont pas immunisés à ça. Non. Tu connais le groupe Lynyrd Skynyrd? Ouais. Avec des Y partout, là. Ça a été nommé, ça, en hommage à un professeur de gym au secondaire. Le nom du professeur était Leonard Skinner, donc Leonard Skinner en anglais. À ce moment-là, des membres du légendaire groupe Southern Rock étaient au secondaire. Et Skinner les envoyait souvent chez le directeur à cause de leurs cheveux longs. Ah. Parce qu'ils avaient les cheveux trop longs. Plusieurs années plus tard, une personne de la famille a appelé Skinner après avoir entendu parler de l'origine du nom du groupe à l'émission de radio. Et à partir de ce point-là, de ce moment-là, Leonard est devenu une genre de vedette malgré lui. Même qu'il est devenu ami avec quelques-uns des membres du groupe et leur a permis de photographier une de ses affaires pour mettre dans la pochette du troisième album du groupe. Là, je sais pas, ça dit sa pancarte, Leonard Skinner Reality. Je sais pas si ça... Ça dit Reality, j'imagine que c'est peut-être Realty, comme dans un vendeur de maison. Peut-être que le gars vend des maisons, peut-être que sa compagnie s'appelle Leonard Skinner Realty. Ils ont mis un I, pas correct ça. C'est bizarre ce mot-là, Realty, hein. Vente de maison. Drôle de mot. Savais-tu que fumer endommage ton corps en quelques minutes et non pas en quelques années comme on le croyait précédemment? Ok. C'est vrai. Une étude récente a montré que des substances qui causent le cancer se forment très rapidement après avoir fumé la première cigarette, une première cigarette. Les scientifiques ont observé l'effet des polycyclic aromatic hydrocarbons, les PAH, sur 12 sujets. Les PAH sont des trucs chimiques qui sont connus parce qu'ils causent le cancer. Entre 15 et 30 minutes après avoir avalé la fumée, les PAH sont transformés par le corps en d'autres substances qui causent le cancer en endommageant l'ADN d'une personne. L'ADN? Wow. L'ADN, je sais pas. Ça dit l'ADN. Ça montre que le processus destructeur est dans le fond déclenché par les cigarettes après la première qui est fumée. Bonne raison donc pour arrêter de fumer et pour les autres de jamais commencer. Nous dit l'article. Exact. Eh ben, toi. Savais-tu, François-Olivier, que la tour Eiffel ne devait pas rester là aussi longtemps? Ah oh, ouais? Elle devait être démolie à la base. Ah oh, ouais, t'es sérieux? C'est vrai. Non, ça, je sais pas. Une des choses les plus reconnues, un symbole de Paris et de la culture française un peu partout dans le monde, était supposé rester là que pendant 20 ans. La tour ne devait jamais être permanente. Elle a été construite, c'était l'entrée de la World Fair de 1889, la foire mondiale, je sais pas comment on appelle ça en français, le vrai nom. Ça sonne bien. À peu près foire mondiale, ouais, ça sonne bien. Et en célébration du 100e anniversaire de la Révolution française, voilà. Plusieurs Parisiens, au départ, n'aimaient même pas le design du créateur Gustave Eiffel. Ils aimaient pas son design, ils trouvaient ça laid. Même qu'ils ont fait une manifestation, ils ont protesté devant la construction de la tour. Ils disaient que ça serait affreux et que ça défrait le paysage. Non, maintenant, c'est partout sur les toiles et les photos. Et ben, c'est grâce à ça s'il y a plein de touristes aussi. Donc, pour l'économie là-bas, c'est ça magique. Ça fait un boom! Oui, boom! La tour Eiffel était supposée être détruite en 1909, mais a été sauvée de sa destinée prédéterminée par une antenne, en fait, qui est au sommet de la structure qui mesure 1000 pieds et plus. L'antenne était utilisée pour des compagnies de télégraphes à ce moment-là. Et graduellement, c'est devenu une tour avec des technologies de communication plus récentes comme la radio et la télé. Donc, il y a une antenne au sommet de la tour. Il y en a encore? Apparemment. Ah oh, oui. I don't know. Ouais, je ne savais pas non plus. Mais oui. Sais-tu qu'il y a une ville qui s'appelle Lanfair? En fait, je dirais pas le reste de la ville, mais ça mesure des kilomètres de long. Savais-tu ça? Ah oh, non. C'est une ville sur l'île de Anglesey à Wales. C'est le plus long nom de place en Europe et un des plus longs noms de place dans le monde aussi. Incroyable. Et là, si tout va bien, on devrait pouvoir se rendre sur un petit vidéo qui nous dit comment prononcer ce nom-là. Oh, OK. OK. Non, c'est pas celui-là. Attends, c'est là, ici. OK. On va écouter ça, juste, c'est le nom, Lanfair. C'est comme Scooby-Doo. Mais c'est... Bon. Est-ce que... Ah. Ça y est, ça va jouer? Ça va jouer. Llanfair push gwingish go gair ws dwi'n drobwll antaseirio go go goch. Go go goch. J'ai retenu le go go goch. Moi, en tout cas, c'est... Une deuxième fois, peut-être, mettons, juste pour être sûr. Oh oui. Llanfair push gwingish go gair ws dwi'n drobwll antaseirio go go goch. Hein, j'ai eu. Essaye-le, en te passant les joues. C'est parfait. T'es vraiment très très bon avec cette langue-là. Je trouve ça cool. On dirait la langue Navi dans Avatar. Hein? Ah, c'est peut-être ça. Ils se sont peut-être basés là-dessus. Ah, tu coinces les joues avec tes deux. Puis là, tu parles. Je vais faire le reste de la chronique comme ça. OK. Non, merci. Pendant la Prohibition, tu te rappelles de la Prohibition? Ouais. Le gouvernement américain a empoisonné de l'alcool pour empêcher les gens de la boire. Hein? Avec le passage du 18e amendement, la possession, vente et transport de l'alcool aux États-Unis est devenu illégal. Pendant la Prohibition, l'ère de la Prohibition, les taux d'alcoolisme ont augmenté. Évidemment, quand t'empêches les gens de faire quelque chose, hein? ça te donne plus envie de le faire. Hein? Ben oui, certainement. Ça encourage les gens. Exactement. Ouais. Augmentation de 300% dans les années 20 de la consommation d'alcool. Les règles du gouvernement fédéral et les règles strictes ont ralenti le transport d'alcool illégal provenant du Canada aux États-Unis. Donc, les bootleggers, qu'on appelait, devaient manufacturer ou fabriquer leur propre breuvage avec des alcools industriels comme de la peinture, des trucs médicaux, du gaz. Du gaz. C'est devenu la source primaire d'alcool au pays. Donc, pour essayer d'empêcher le bootlegging, le gouvernement fédéral a demandé aux manufacturiers, a forcé les manufacturiers même, à inclure dans leur alcool industriel des poisons mortels. Donc, quand la prohibition s'est terminée, on estime que 10 000 personnes sont mortes après avoir été empoisonnées par leur propre gouvernement. Tabarouette, en effet. Il nous en reste deux derniers, François. J'espère qu'ils vont t'intéresser. On ne sait pas. Un garçon indien, donc dans le fond de l'Inde, a vécu avec un crayon, un stylo de 3 pouces dans sa tête pendant 10 mois. Dans sa tête. C'est Joseph, un étudiant de 18 ans, un étudiant au secondaire, qui se rappelle même pas comment il a réussi à mettre ce crayon-là dans sa tête. Ben, voir que tu t'en rappelles pas. Ben, peut-être justement que c'est le crayon qui a enlevé ta mémoire de ça, je sais pas. T'as raison. Donc, une irritation. Une irritation proche de où le crayon était entré, hein, voilà. Lui a fait remarquer, que quelque chose n'allait pas. Donc, Joseph a réussi à enlever un morceau de plastique du crayon lui-même, ce qui a persuadé à ses parents de l'amener voir à l'hôpital, dans le fond, pour faire des rayons X. Donc, il y a un morceau de plastique qui a enlevé de sa tête, un morceau de plastique, et ses parents sont allés voir pour faire des rayons X. Croyant que c'était seulement juste ce morceau de plastique-là qui avait été dans sa tête, la famille a opté, dans le fond, ont choisi l'option de ne pas faire de chirurgie à leur fils. Par contre, il y a eu de l'infection et une série de fièvres qui leur a fait changer d'idée. Donc, comme, oh, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus que juste un morceau de plastique. Pendant la chirurgie, les docteurs ont été sous le choc. Ils ont trouvé un crayon complet logé derrière son os facial à Joseph. Ce crayon-là était arrêté juste à côté du vaisseau sanguin principal de son cerveau. Juste à côté. Je comprends pas. Non, je comprends vraiment pas. C'est sûr qu'il avouera pas comment il a fait ça. Peut-être que c'était un acte. Peut-être que c'était. Il se faisait plaisir avec ça, je sais pas. Peut-être que c'était vraiment gênant. Aucune idée. Alors, on va terminer avec un fait qui va te dégoûter, peut-être. Et peut-être que vous aussi, si vous déjeunez, peut-être vous bouchez une oreille et écoutez de l'autre. Mais c'est pas si pire que ça, parce que dans le fond, c'est la réalité. Il faut s'y faire. Un matelas typique peut contenir entre 100 000 et 10 millions de dust mites, des acariens, de poussière. Exactement. Non seulement ça, mais jusqu'à 10% d'un oreiller qui date d'il y a 2 ans. Si t'as acheté un oreiller il y a 2 ans, environ 10% de son poids est fait d'acariens morts. Et leur petit excrément, là. 10% de son poids? 10% de son poids après 2 ans. Donc, si ça fait plus que ça, on veut même pas imaginer. Non, ben, c'est ça l'affaire. Ce qu'on nous dit, c'est que si vous voulez éviter quelque chose du genre, vous devriez peut-être changer vos couvertures et vos têtes d'oreiller à chaque semaine. On nous dit chaque semaine. Il y en a qui le font à chaque 2 semaines, un mois, chaque semaine. Et vous devriez aussi laver votre oreiller lui-même au moins une fois par année. L'oreiller en tant que tel. Laver dans la laveuse. Dépendant des instructions de votre. C'est de la plume, c'est du coton, je sais pas, là, je pourrais pas vous dire pour chaque, mais oui, il y a sûrement des façons de laver pas mal tous les oreillers, j'imagine. Plus de la moitié des gens qu'on a sondés pour l'article disent qu'ils lavent leur couverture seulement 3 fois par année. Ah, ouais? Seulement 3 fois par année. Les couvertures, les draps? Les draps. Ah, ouais. C'est pas beaucoup, ça, 3 fois par année. Hein? Pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Donc, voilà, des acariens, pour vous faire peur, là, mais c'est la réalité de la chose. Donc, à un moment donné, hein, tu sais, quand c'est la réalité, on se la dit, hein, parce que quand c'est un fait, ben, on se le dit, hein? Hey, c'est quand même hallucinant, ben 10% oui. Du poids. Et puis, j'imagine que, écoute, ça fait longtemps. Puis, c'est bizarre parce que, en fait, tes oreillers les plus vieux, c'est les plus confortables. Ouais, parce qu'ils ont la forme de ta tête, c'est ça? Ouais, non, mais moi, en fait, j'aime bien les oreillers mous. Là. Ouais, ok. Donc, j'ai vu les oreillers solides, moi. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Ben, la misère avec ça, du mou. Ouais, sinon, ça me fait mal dans le cou, on dirait. C'était louche un peu. Ouais, j'avoue. Non, moi, j'ai un oreiller d'eau. Avec de l'eau dedans. Ouais, pas satisfait du tout, par contre. Ah non? C'était supposé m'aider pour mes problèmes de cou et d'épaule, mais non, de l'eau, moi, ça me va pas du tout. Je trouve que la forme est trop à ma tête. C'est trop. L'oreiller prend trop la forme. Peu importe l'eau que je mets dedans, parce que tu peux mettre un nombre de tasses pour pour ce que t'aimes comme confortabilité de ta tête. Puis non, c'est comme ça me rentre dans le nez sur le côté quand je me couche sur le côté. Puis j'aime pas ça. Il me faut un oreiller plus dur pour que mon oreiller reste où elle est et que je me couche de la façon que je veux dessus. Ça doit être bon pour les acariens, l'eau, dans le sens qu'il ne doit pas avoir d'accumulation d'acariens. Tout à fait, tu as très raison là-dessus, ça doit vraiment être ça. Ouais. Mais je serais curieux d'essayer ça, un oreiller d'eau. Ben, ça vaut la peine pour l'expérience, parce que tu peux vraiment mettre genre 3 tasses ou 6 tasses, puis ça va varier la dureté. Mais en même temps, ça doit toujours être ça bouge toujours. Mouvement. Ça doit C'est une des choses que j'aime pas vraiment, il y a toujours un mouvement. Peu importe comment tu te places. Tu sais, pour enlever les coflacs, parce qu'on s'entend que dans l'eau, ça doit faire coflac. Il faut enlever l'air à la main, par le trou. Puis sinon, c'est pas évident. Mais je suis sûr qu'il y en a qui aimeraient vraiment ça. Et puis, je vous conseille de l'essayer au moins. C'est sûr que peut-être pour l'essayer, ça va coûter cher parce que c'est quand même un oreiller qui coûte cher. Je sais que dans le temps, en fait, la grosse mode, c'était vraiment les lido. Ouais, c'est ça. Et puis là, ça a comme disparu. Ouais, on n'entend plus vraiment parler des lido. Non. On n'en voit pas à vendre. Y a rien. C'était peut-être plus d'entretien. Je sais pas. Je connais pas ça. Je connaissais quelqu'un qui avait un lido. Moi aussi, je connaissais un gars qui avait ça. Puis... J'ai déjà utilisé. J'ai pas particulièrement aimé ça. Ça bouge trop. Ouais, ça bouge. Moi, je suis très, très stable et statique dans mon sommeil. Ouais, enfin, moi aussi. Je bouge beaucoup, mais justement, je bouge beaucoup, donc j'ai pas besoin de choses qui bougent autour de moi pour me déranger dans le processus. Bon, ben François, assez parlé de notre sommeil et de nos attirails et accessoires. Hey Mathieu, je te dis une petite nouvelle comme ça. Go for it. Écoute, je sais que t'es au courant, je sais pas ce que t'en penses, on va savoir de là. Steve Jobs. Ouais. En pause? Oui, encore en pause. Encore en pause. Il était revenu de son cancer du pancréas. Du pancréas, ça, c'est ça, exactement. Et puis là, il retourne. Est-ce que pareil, il y a d'autres problèmes de santé? Comment tu vois ça, toi, une nouvelle comme ça? Ben, c'est sûr que je suis pas un expert d'Apple, mais c'est sûr que c'est le grand chef, celui que tout le monde aime, que c'est tout le monde le connaît. Manitou qui a fait, en fait, là, sortir des produits comme on connaît. Comme l'iPhone, l'iPad, les MacBooks. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le génie derrière tout. Son histoire est tellement compliquée, tellement longue, quand il s'est fait jeter dehors de sa propre compagnie et qui plus tard est revenu, etc. Mais non, c'est ça, je suis sûr qu'ils vont réussir à s'en sortir malgré lui. J'imagine qu'il va revenir bientôt. J'espère que ça va pas prendre autant de temps que la dernière fois. Et puis, je pense qu'il a choisi des bonnes personnes. Je sais pas si seulement lui a choisi ces personnes-là, mais les personnes qui sont en charge et qui vont le remplacer sont quand même des gens compétents. C'est pas la première fois qu'ils font ces affaires-là. Puis, je pense que ça va bien aller quand même. Mais j'ai hâte qu'ils reviennent, évidemment. Puis j'ai hâte qu'ils continuent d'annoncer des produits, même s'ils sont pas là. Oui, en santé, évidemment. On lui souhaite toujours de la santé. Ça, c'est bien évident. Non, c'est ça. J'aime bien Steve Jobs. Je sais pas pour toi, est-ce que tu l'aimes bien? Oui, c'est sa pensée en fait que j'aime bien, sa façon de penser. Il a réussi à réunir des personnes, les faire travailler en équipe pour sortir des produits en fait, innover en fait. Ouais, exact, c'est l'innovation, la marque de commerce d'Apple. Et puis malgré ce qu'on peut dire de leur façon de faire des fois par rapport à iTunes ou peu importe, les applications, les règles qu'ils mettent là-dessus, c'est quand même grâce à ces règles-là et grâce à tout ce qu'ils ont instauré comme façon de faire que le succès est arrivé. En empêchant les affaires de mauvaise qualité sur, par exemple, pour les applications, mais ça encourage d'avoir que des bonnes affaires ou plus de bonnes affaires. Ouais, donc, c'est ça, exactement. Bref. Exactement. Non, mais triste nouvelle. En fait, c'est ça. Et puis, ça a été calculé, du moins, parce que le 17 janvier, c'est un jour férié aux États-Unis, donc la bourse n'était pas ouverte. Donc, il y a eu une petite chute, mais ça a remonté. Ouais, ici, en fait, là, dans l'article que j'ai devant moi, il parle d'une chute en Europe. On n'a pas parlé, en fait, d'une chute aux États-Unis au niveau de la bourse, mais j'imagine que ça a dû baisser ce soir, en fait, là, pour quand tu passais des actions, tu dois être un peu inquiet de voir Steve Jobs en fait prendre un break. Ouais, exactement. Voilà donc pour ça. On va retourner en musique. Tout à l'heure, on va recevoir Maxime Lemularamé dans les prochaines minutes. Oui, exactement. À peine 5 minutes. À peine. Comptez le. Restez avec nous. Sortez vos montres. Ressortez vos montres parce que moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu de montre. J'aime pas ça. Non? Non, ça pas capable? Non, il y a trop d'affaires. C'est... Non. Mes poignets, il faut qu'ils soient libres. Liberté, je te poigne partout. Écoute. OK. Winter Gloves, Gym Class. Les poignets, c'est ça. Yeah. Sont musclés? Ben, je sais. Tu fais que ça? Regarde comment je suis flexible, regarde ça. Ah, moi aussi, je suis peux faire virer mon pouce sur mon... Ah, ouais, tu peux. Ouais. Je me sentais tellement spécial. Non. Tu es capable de ta jambe derrière la tête? Je sais pas. Mais non. T'as un peu sur ma chaise, c'est difficile. Hier, là, je me suis fait du spaghetti, OK, en enveloppe. Tu sais, les sidekicks, genre, avec... Ouais. C'était des gens Alfredo, là. Et puis... Alfredo! J'ai réussi, premièrement, j'ai mis une tasse de lait, une tasse d'eau sur le rond, OK? J'ai réussi à faire couler ça dans le four, OK? Ça a tout, sorti du chaudron, comme du lait tend à le faire. Ta porte de four était ouverte? Non, sur le rond. Ça a tout coulé dans le rond. Donc, après ça, j'ai changé de rond. J'ai mis mes pâtes dedans, mais les spaghettis étaient pas cassés, donc ça a tout volé les spaghettis partout sur le four. Après ça, je l'ai laissé là trop longtemps et trop fort sur le rond, donc ça a tout collé. Fait que les trois gaffes que j'aurais pu faire... Wow, ça devait être bon. C'était digne de Mathieu Plante. C'était-tu bon au moins? C'était bon à la fin, c'était quand même bon. Bon. Ce qui était pas collé au fond, mais ça sentait le caramel. C'était génial, ça sentait le café caramel. Je sais pas, l'Alfredo, on dirait que c'est caramélisé, ça sent bon. Bon, ben, tranche de vie, hein? Tranche de vie. Deuxième heure, Maxime de Miller-Amé s'en vient. Ce qu'on a entendu avant notre conversation sur le spaghetti, c'était Gym Class de Winter Gloves. Toujours une très, très courte pièce, mais ça nous met dedans pour parler de pâtes. Des belles pastas. Des pastas. Al dente. Al dente. C'est comme Stefano Fajita, là. Stefano... Le chef à la télé. Stefano Fajita, il s'appelle le même, ça. C'est un nom prédestiné. Fajita. Comme si toi, tu t'appelais François-Olivier, animateur radio. Calzone Campus. Mettons, si tu t'appelais Calzone Campus, là, ce serait vraiment super winner. Info Campus, si on l'aimerait. Hey. C'est fou dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce mercredi 19 janvier. 19! C'était pas évident, celle-là. Non, mais c'était un 9 avec la petite barre, là, en dessous. Neuf! Neuf! On fait des beaux bruits, aujourd'hui. Des bruits d'animaux! OK. Donc, deuxième heure très, très remplie. On va avoir en fin d'émission Gérard-André Baudet. Oui, vers 8h50, en fait, qui va venir nous parler de son lancement d'album qui se déroule ce soir à l'Embuscade. Il va vous le lancer, ça va trancher. Ça va, ouais, faites attention, là, à regarder où ce qui tombe. Ouais. Et puis, 8h30, Yann Martel, service aux étudiants. Pour parler de la journée carrière, hein? Exactement. En fait, là, si on cherche un travail, donc c'est ouvert aux étudiants. Je pense que c'est ouvert au public. En fait, Yann Martel va nous éclaircir la situation. Et ça, aux alentours de 8h30. Et puis, juste avant, Monsieur Lemieux Laramé. Il s'en vient dans quelques minutes, mais pour l'instant, on écoute Steel Train. Voici Bullet. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou, ça. C'est fou. Lâche ta chèvre. Laisse ma chèvre en dehors de ça. Fell in love in the backseat of your car. The road was shorter than it looked, like 10 years and two more. And I held the girl closer than was safe. Take what you want from me. I'm not afraid to turn around to see you by my side. Hey, I felt pretty when they turned out the light. I didn't know just what was going on when all my guts were telling me to run. Stuck around when I should have been there with you. And after all that we lost, I swear I'll never let go. Take what we want when we need. I had a chance for a better life. from the fields. We take what we want when we need. Had a chance for a better life. But all that I've known is to run, run, run from the devil in disguise. Like a bullet, a bullet, a bullet into the night. We are the last generation of hope. Chanteur Chambaud, Chantel, comme on l'appelle, Chantel, 89 FM, assemblage requis. Chantel. Chantel. On l'appelle de même, c'est plus rock. C'est comme l'équipe du matin à Chaume FM, là, c'est Chantel Desjardins. Ah, je sais pas, ouais. J'écoute. Chantel Desjardins. Je ne connais pas ce poste-là. Non, non. Ah, d'accord. Donc, un gars qui a un nom un petit peu plus facile à prononcer que Chantel Desjardins. Maxime. Le Mux, le Rami, c'est ça. Bonjour. Ah, bonjour, OK. Bon, lui, attend pas. C'est maintenant, il y a peu de temps pour sa chronique aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça, en fait. On va faire ça compressé. Short and sweet. Ouais. Pour le mieux et pour le pire. Oui, c'est ça. Pour accueillir des nouveaux gens qui viennent vous parler. Les nouveaux gens, sont plus ou moins nouveaux. Ouais, non, Yann Martel est déjà venu plusieurs fois, je pense. Ouais, au moins deux. Au moins session, deux. La session passée. Ouais. OK. Oh, ben cool pour Yann. Ouais. Yann, c'est un de mes collègues et un des... je fais du sport contre lui. Ah, contre lui? Tu joues au hockey ici, hein? C'est ça? Ouais, ben, au hockey Cosum. Fier compétiteur, c'est Yann. Non, un athlète. Un athlète. Comme Mathieu. Ouais. Mais quand c'est pour parler de mes mauvais jeux de mots et mes mauvaises blagues, il faut les couper le plus vite possible parce que tu manques de temps. Mais quand c'est pour parler de hockey Cosum, oui, par exemple, t'en parles bien longtemps. Alors, premier artiste dont je voulais parler, Smith Westerns, qui sort un album aujourd'hui, le 18 janvier. Ouais, c'est ça. On a un privilège. Non, on est le 19. On est le 19, Max. Hier, 18 janvier, pardon. Je suis mêlé dans mes jours. Uh-huh. Donc, et tes heures aussi. Ouais. Ouais. Alors, l'album s'appelle Diet Blonde. C'est leur deuxième pour cette formation de Chicago qui donne dans l'indie rock. On va aller écouter la pièce Weekend tout de suite à l'instant. OK. Sans plus tarder. Vendu. Assemblage requis. Télécharge quoi? Alors, c'était Smith Westerns avec la pièce Weekend de leur tout récent album sorti hier, Die It Blonde. Alors, c'est ça, pour enchaîner, je vais vous parler de Braids, groupe de Calgary. Calgary en Alberta? En Alberta. Ah, qui wonder de connaître Albertains. Ça? Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, Braids viennent, en fait, comme Smith Westerns ont sorti un album hier, mardi. Oui, mardi le 18. Exactement, qui s'appelle Native Speaker. La pièce qu'on va aller écouter, c'est Lemonade. Ça fait quand même un petit bout. Ça fait quand même un certain moment qu'elle roule sur les radios et sur Internet. Mais les radios autres que C'est fou, évidemment. Ben non. J'espère que non. Ben non, c'était pas pour dire ça. Alors, on va écouter tout de suite Braid's Lemonade. Vous êtes dans le bloc Télécharge quoi sur les suggestions musicales et les découvertes musicales du moment avec Maxime Lemieux. C'est ça. Faut le dire des fois. Ouais. On aurait pu le dire mieux que moi avec mon ma langue qui était comme une patate en ce moment. Ah non. Mais c'est bon des patates. Alors, c'était ça, Braids. Ouais, hein? Braids. Braids. Alors, c'est sa formation de Calgary. On a entendu la pièce Lemonade du tout nouvel album Native Speaker. Donc, on a le temps pour une petite dernière. Oui, dernière pièce pour ton blog Télécharge quoi, où tu nous présentes tes suggestions et tes découvertes musicales du moment. Exact. Alors, en fait, c'est je voulais parler de Crystal Castles, vieil album, mais il y a comme une pièce qui a été reprise avec Robert Smith. Puis, je le voyais de temps en temps là, passer sur Internet, puis je l'écoutais comme attentivement en fin de semaine, puis je la trouve vraiment bonne. Mais tu sais, c'est comme... soyez prêtes, là, puis soyez prêts. Hey, on dirait que j'ajoute des « e » partout. Ben, peut-être, c'est un petit peu familier, je trouve, comme langage. Je suis désolé. Bon. Je suis désolé. Ouais. Excusez-moi, les gars. Pour un employé du GTA, parce que j'ai écouté le hockey sur RDS hier, fait que... Ah, ça t'a là. On dirait que... Désolé. Ouais. Mon éloquence est disparue. Donc, alors, on va aller écouter la pièce « Not in Love » de Crystal Castles avec une collaboration de Robert Smith tout de suite. Télécharge quoi? Assemblage requis. C'est fou. 89 ans. I saw your picture hanging on the back of my door. Won't give you my heart. No one lives there anymore. And we were lovers. Now we can't be friends. Crystal Castles, Not in Love, collaboration avec Robert Smith. Merci beaucoup, Max. Finalement, on a eu le temps de tout faire, ben oui, ce qu'on voulait faire. Parfait. En moins de temps que d'habitude. Ouais. C'est un record, je dirais. Ouais, on a dit un peu moins de niaiserie. On a pris le temps de dire moins de niaiserie. Oui. Ouais. Mettons, là. On s'est forcé parce que sinon, c'est tellement facile de faire une niaiserie avec toi, tu sais. C'est ça. Hein? Bon, ben. Hey, merci, Max. Ouais. Bonne journée, les gars. Bonne semaine. La semaine prochaine. Mm-hmm. Yes. Toujours les mercredis, maintenant, à 8h. Mercredi. Nouveau jour, même heure. Faut remettre notre site web à jour. Ah oui, c'est vrai, sur assemblagerequis.com, c'est pas changé, ouais. Ça encore. Ouais. Il n'y a même plus de bannière sur le site. Il est plate, il y a une barre bleue en haut, c'est le laisse. En tout cas, tu prendras, quand tu auras du temps, là, tu me penses à moi. Tu nous feras quelque chose de beau. Le OMS, c'est un à ta hauteur. Oui, à ma hauteur. Ça va être un site qui va mesurer 6 pieds 3 de haut. Oh. Ah, ça va être beau, ça va être du scroll en masse. Salut. Ah, on te laisse partir dans ton vaisseau. Bye. Bye, bye. Bye. Salut, Maxime. Salut. Bye. Bye. Bye. Wow. Il est beau, son vaisseau. Son vaisseau, il est beau. Trouve pas? Ben oui. Il l'a peinturé? Oui. Même lui, il est beau. Ah, ouais, ben c'est... Oh ouais, ben, c'est pas son vaisseau, là. Son vaisseau, il a quand même une coche de plus haut. Puis... Son vaisseau, il est rouge et blanc. Vous êtes toujours Assemblage Hockey, émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Tout à l'heure, on reçoit Yann Martel. Oui, du service aux étudiants qui vont nous parler de la journée carrière qui s'en vient mercredi prochain, ici même, à l'UQTR. C'est au retour. Et puis plus tard, Gab, Gérard-André Baudet, qui va nous parler de son nouvel album et son lancement. Son lancement ce soir à l'Embuscade. Alors, soyez-y. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Oui, vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec lui et moi, là. Lui et moi. Moi et l'autre, là, comme il disait avec Dominique Michel, là. C'était bon, ça, quand même, le concierge, peut-être, là. T'écoutais ça? Non, pas vraiment. Non. Je sais que ça joue à TV, par exemple. Bon. Mais ça joue pas à prise 2. Ça joue ça à prise 2, je pense. Je sais pas, je sais pas le pas. Ah, moi non plus. Eh hey Mathieu, on reçoit Yann Martel et Marie-Ève Perron du service aux étudiants qui viennent nous parler de la journée carrière. Bonjour à vous deux. Bon matin. Bonjour, bon matin. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ça va très, très bien, oui. Merveilleux. Donc, la journée carrière. Premièrement, la journée carrière, c'est quand? C'est mercredi, en fait, le 26. 26 janvier, de 10h à 16h, ouvert à tous, autant aux étudiants, aux diplômés de l'UQTR qu'aux chercheurs d'emploi de la région. OK, qu'on soit juste technicien, en fait, qu'on ait un DEC, qu'on ait un professionnel peut-être, la journée carrière est là pour... Oui, qu'on ait une maîtrise, soit spécialisé, qu'on soit en recherche d'emploi ou qu'on veuille découvrir de nouveaux horizons, rencontrer des entreprises intéressantes. Là, c'est bienvenu à tous. OK, une journée carrière, c'est quoi? En fait, pour ceux qui n'ont jamais assisté à ça, c'est quoi une journée carrière? Ben en fait, c'est une opportunité qu'on offre en premier aux entreprises d'avoir une fenêtre ici sur l'université parce que souvent, on a cette demande-là de la part des entreprises de venir rencontrer nos étudiants, nos finissants, nos diplômés. Donc, c'est vraiment la meilleure occasion pour eux de pouvoir venir rencontrer nos étudiants, nos finissants et nos diplômés. Puis pour ces gens-là, dont je viens de nommer, c'est une journée pour faire des contacts très intéressants, amorcer leur processus de recherche d'emploi. C'est certains des gens qui vont avoir l'attente d'arriver à la journée carrière, de dire ben, je m'en vais là pour me trouver un emploi. Oui, pour se trouver éventuellement un endroit où travailler plus tard, mais pour amorcer le processus de recherche d'emploi, c'est vraiment le meilleur moment. Ça permet de créer des contacts très intéressants. On ne se le cachera pas à cette journée-là. Les gens qui sont présents, c'est les représentants des ressources humaines des entreprises qu'on va recevoir. Puis cette année, c'est vraiment intéressant pour nos étudiants, nos finissants, nos diplômés. Puis comme disait Marie-Ève, pour la population en général qui se cherche un emploi, on va recevoir 90 entreprises de tout acabit, de différents domaines qui vont être présent au CAPS de 10h à 16h mercredi prochain. Ouais. Donc, c'est un incontournable. C'est la plus grande foire de l'emploi de la région. OK, wow. Ben, c'est ça, 90 organisations qui, eux autres, offrent souvent plus qu'un poste. Exactement. S'ils sont là, donc là, il y a plus que 90 jobs. Je vous dirais, c'est certain que, mis à part les gens du domaine de l'enseignement et de l'éducation, parce qu'on a organisé la journée carrière en enseignement avant les fêtes, mais pour tous les étudiants de tous les autres programmes, même les étudiants, je dirais, en chiropratique puis en podiatrie, qui pensent souvent, ben moi, je suis plutôt travailleur autonome, j'ai pas vraiment affaire avec des entreprises. Non, parce que la journée carrière, on en parlait tout à l'heure, François-Olivier, il y a un nouveau phénomène qui se produit beaucoup dans ces événements là, c'est que les régions se mobilisent, les régions envoient ce qu'on appelle des agents de migration dans ces événements-là, représenter la région et parler, oui, des emplois disponibles, mais aussi de la possibilité de s'établir dans la région, des programmes de... comment on appelle ça? Des programmes d'intéressement, justement, les programmes pour aider les familles à emménager dans une région. Donc, même les gens qui envisagent d'être travailleurs autonomes peuvent avoir beaucoup d'informations à savoir si, par exemple, pour les étudiants en chiro et en podiatrie, à savoir est-ce qu'il y a beaucoup de ces professionnels-là dans une région, est-ce qu'il y a des possibilités de s'établir là, d'avoir des emplois. Donc, vraiment, c'est ouvert aux étudiants de toutes les formations de l'université. Puis on sait, c'est ça, l'université ici, en fait, à Trois-Rivières, regroupe quand même des étudiants qui viennent de plusieurs régions. Donc, en fait, souvent, ils veulent peut-être retourner dans leur région travailler parce que leur famille, leurs amis sont là. Donc, en fait, ça peut être un bon incitatif aussi. Oui, puis même aussi pour les premières années, deuxième année, qui veulent explorer pour des stages futurs, ça peut être très, très intéressant. Très bon parce point. Parce qu'ils peuvent aller voir les gens des ressources humaines puis dire, ben moi, je suis dans tel domaine, puis votre entreprise m'intéresse pour aller faire un stage. Fait que ça peut être très intéressant pour eux d'aller commencer à explorer, puis d'aller rencontrer les gens des ressources humaines et se présenter, de faire des démarches comme ça, futures, pour des stages. Bien, c'est très bien vu pour les gens des ressources humaines. Ils font des premiers contacts, ils font des démarches de stage, et puis après ça, ben on sait très bien que c'est des portes ouvertes pour un futur emploi quand d'eux-mêmes ils font des démarches de stage là, les employeurs les voient là, ils se démarquent là amplement là. Parfait. Et puis dans les organisations que vous allez recevoir cette journée-là, je crois qu'il y a le Carrefour Jeunesse Emploi, en fait, qui vont venir aider les gens, qui vont venir visiter. Qui vont assister en fait à la journée carrière dans leur recherche d'emploi? Bien, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi de Trois-Rivières, la MRC des Chenaux, est un partenaire de la journée carrière depuis quelques années déjà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des conseillers sur place qui vont offrir deux services. Premièrement, ils vont aider les visiteurs à se préparer, à aller rencontrer les entreprises. Parce que souvent, on arrive à une journée carrière. Bon, on a nos CV avec nous en dessous du bras. On est stressé aussi. On dit, j'ai peut-être ici une occasion de pouvoir travailler mon avenir professionnel, de faire des contacts intéressants. Donc, qu'est-ce que je pose comme question? Que je demande aux entreprises. Donc, il va y avoir des conseillers sur place pour aider les gens à briser un peu la glace, là, à avoir des bonnes questions, à avoir des sujets de conversation intéressants avec les représentants d'entreprise. Donc, ça, c'est un premier service qui est offert. L'autre service, c'est qu'il va y avoir aussi des conseillers qui vont pouvoir regarder avec les visiteurs leur curriculum vitae, à savoir est-ce qu'il y a des retouches qui peuvent être faites. Ça, c'est bien. Ça peut-être que vous devriez présenter ça de telle façon, dans tel ordre, ajouter des compétences, peut-être retirer des choses moins pertinentes. Donc, les conseillers, les conseillères du Carrefour Jeunesse Emploi vont pouvoir aussi donner des conseils à ce niveau-là. Et c'est des services qui sont tout à fait gratuits. Donc, c'est une occasion unique, puis il faut en profiter à ce moment-là. Mais là, c'est ça. L'important, c'est d'amener son CV. Tout à fait. Pas chouet. On s'habille propre. On est de bonne humeur aussi. Oui, le sourire est de mise. Puis, on parle de l'habillement. Souvent, on trouve ça comique à chaque journée carrière parce qu'étant donné que ça se déroule au CAPS, on voit des gens qui s'entraînent en haut. Puis là, ils disent, ah, tiens, intéressant. Il y a des entreprises. On va aller. Jogging, voilà. Donc c'est pas souhaitable. Peut-être aller prendre votre douche et puis changer avant de venir rencontrer les représentants d'entreprise. Je pense qu'ils apprécieraient. Il y a sûrement des contacts à faire dans les douches aussi. Là, peut-être. Ça, je me suis jamais histoire. Rendu jusque-là. Et puis aussi, il y a des employeurs qui ont manifesté le désir de passer les entrevues sur place avec des futurs peut-être employés. Donc, de là l'important justement peut-être d'arriver bien préparé avec un bon CV et tout ça. Là. Donc, c'est très important là, d'être bien préparé aussi, de peut-être regarder sur notre site Internet, là, quand on va sur le site de l'UQTR, il y a un onglet là, Journée carrière. Les entreprises sont très bien décrites. Il y a un descriptif, fait que ce serait serait peut-être important pour les gens qui vont se présenter à la journée carrière d'aller faire peut-être des petites recherches. Bon point. De bien se préparer. Comment être l'organisation pour laquelle on postule? Ça impressionne toujours. Oui, c'est très, très important parce qu'il y a vraiment des entreprises qui veulent recruter sur place. Donc, ils vont passer des entrevues. Donc, quand on arrive bien préparé, bien, c'est sûr que c'est un point là. À chaque année, il y a des entreprises qui sont très présentes. Puis encore une fois, cette année, on connaît les besoins. C'est plus une réalité. On entend parler dans les médias. Le domaine de la santé et des services sociaux sont encore en grande présence cette année. Puis tout à l'heure, Marie-Ève parlait des étudiants pour les possibilités de stage. Les étudiants en sciences infirmières, en ergothérapie, en psychologie, en psychoéducation, souvent, ces gens-là vont penser, ah, ben j'ai déjà... Ben, souvent, les gens des dernières années, eux, ils sont déjà en lien avec des entreprises. Ils font des remplacements, des choses comme ça. Je comprends très bien que, eux, leur processus est fait. Mais pour les étudiants qui débutent, les étudiants de première et deuxième année, Marie-Ève en parlait tout à l'heure, c'est une journée vraiment importante pour créer des premiers contacts, pour des stages, pour avoir une idée de ce qui est disponible dans son domaine. Parce que souvent, on arrive du cégep, et puis là, on fait des cours ici à l'université, puis on se dit, bon, avec quelle entreprise je vais faire affaire, tout ça. Bien, ils vont tous être là. Ils vont être disponibles à la journée carrière. Donc, c'est une occasion unique de se faire une tête sur les entreprises, d'en connaître davantage, parce qu'on se cachera pas. Les représentants qui sont là, oui, ils sont là pour vendre leur entreprise, mais ils sont là aussi pour donner beaucoup d'informations aux visiteurs et c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent juste ça, de venir les rencontrer puis de donner de l'information sur leur entreprise. Si les gens ne sont pas convaincus encore, moi, j'ai entendu parler d'un concours. Ah oui, bien sûr. Mais avant de parler du concours, j'aimerais aussi parler pour vraiment convaincre les gens, puis après ça, on parlera du concours. Il y a aussi un service qui est nouveau cette année. On a des nouveaux partenaires aussi, puis ça, c'est vraiment intéressant. Stratégie Carrière, qui est un organisme qui s'occupe d'aider les gens dans leur recherche d'emploi dans la région, vont être présents avec les services d'accueil des nouveaux arrivants de la région de la Mauricie. Et eux, le service qu'ils vont offrir lors de la journée carrière, c'est de rencontrer les étudiants qui arrivent de l'extérieur, les nouveaux arrivants dans la région, les étudiants étrangers, les résidents permanents. Donc, Stratégie Carrière va être là pour donner des conseils dans la recherche d'emploi à ces gens-là et les services d'accueil des nouveaux arrivants de la région, donc de Trois-Rivières, de Maskinongé, du Haut-Saint-Maurice et Shawinigan vont être là pour parler de la réalité de la région de la Mauricie, comment bien s'intégrer à la région au niveau professionnel, au niveau social. Donc, c'est aussi un nouveau service qui va être là cette année à la Journée Carrière puis qui va être vraiment intéressant. Et Mathieu, comme vous sembliez très intéressé par le concours. Peut-être alors un oui, peu. oui, Mathieu nous a confié qu'il viendrait à la journée carrière pour y participer. Alors, pour les étudiants qui vont se présenter à la journée carrière, et puis là, pas seulement se présenter, dire bonjour, je me suis présenté. Oui, oui, pour venir remplir le coupon. Là. Exactement. Ouais. Non, parce que c'est important quand même d'aller rencontrer les gens, tout ça. Et lorsque les étudiants vont avoir terminé leur visite, ils vont être invités à remplir un sondage, bien sûr, pour qu'on s'améliore à chaque année. Mm-hmm. Et si les étudiants remplissent le sondage, eh bien, ils ont la possibilité de gagner un iPad. Wow. Alors, ce qui n'est pas un petit prix. Alors, à tous les étudiants qui désirent venir visiter la journée carrière, alors, il y a la possibilité de gagner un iPad. C'est le petit nanan. C'est le petit nanan, mais c'est toujours intéressant aussi pour les gens. Ça coûte absolument rien de venir à la journée carrière. Oh, c'est vrai, on ne l'a pas mentionné. C'est tout à fait gratuit. Il n'y a aucun frais à l'entrée. Vous étiez prêt à payer pour ça, mais non! Non, c'est tout à fait gratuit. On est trop bon. Ça vaut des milliers de dollars. Et puis, bien sûr, on ne demande pas de carte étudiante à l'entrée. Donc, comme on disait tout à l'heure, les chercheurs d'emploi de la région sont invités à venir participer à la journée carrière. Même si on a un secondaire 5, un professionnel, n'importe quoi. Tout acabit. C'est certain que les entreprises savent qu'à prime abord, la journée carrière est organisée pour nos étudiants, nos finissants et nos diplômés. Mais nous, on leur dit qu'on fait une publicité régionale. Ils le savent qu'il va y avoir aussi. On a envoyé l'information au collège de la région. Donc, les collèges sont informés de la journée carrière et eux se sont chargés d'informer leurs étudiants. Et puis, on a aussi envoyé de l'information à différents organismes de recherche d'emploi. Donc, toute la population de la Mauricie est invitée à participer à la journée carrière. Merveilleux. On rappelle la date, mercredi le 26 janvier. Ça se déroule de quelle heure à quelle heure? De 10h à 16h au CAPS de l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'imagine que, en fait, c'est avantageux d'y aller de bonne heure. Ben, c'est certain qu'il y a deux théories. Il y a la théorie de plus on arrive tôt, plus les gens sont en forme, les représentants sont de bonne humeur, mais sont dynamiques. C'est ça, ils ne sont pas écœurés. Là, c'est correct, on comprend très bien. Donc, oui, ça peut être une bonne opportunité. Mais des fois, on dit aussi d'y aller en fin de journée, il y a l'effet de récence. Donc, les gens se rappellent de nous avoir rencontrés, tout ça. Ben oui. Moi, ce que je dirais, il n'y a pas nécessairement de bonne heure pour se présenter à la journée carrière. Par contre, il y a des bons moments pour aller discuter avec les représentants d'entreprise. Très bon point. Le représentant est déjà occupé avec un étudiant, tout ça, et puis on interfère, on coupe la conversation, on va peut-être perdre des points à ce moment-là. Donc, c'est d'être stratégique, de voir le bon moment où la personne est disponible. Regarder ce qui se passe. Oui, d'être bien préparé. Exactement. S'informer sur l'entreprise. Puis quand on arrive, on a déjà... La personne est disponible à discuter avec nous et on a des sujets à discuter ensemble. Puis pas être pressé, je pense que c'est primordial. On va pas là pendant notre break de dîner pendant une heure, puis salut, il faut que je retourne. Tout c'est à fait. Ça. C'est pas une distribution de CV à la dans toutes les entreprises qu'on peut le plus rapidement possible. On cible les gens qu'on veut rencontrer. Tout à fait. Ce qui est bien important aussi, c'est pour les visiteurs de toujours prendre le temps de bien se rappeler la personne avec qui on a discuté, parce que si plus tard on veut poursuivre le processus avec cette entreprise-là, donc de bien prendre en note le nom des personnes avec qui on a discuté, demander une carte d'affaires, mais aussi se rappeler qu'est-ce qu'on a échangé comme information avec la personne, puis bien sûr, avoir des curriculums vitae en main pour pouvoir laisser une trace de notre visite avec ces gens. Combien? Gens-là. Mettons un exemple qu'il faut amener de CV ou... Tout dépendant de ce que vous cherchez. Ben, une quinzaine, une vingtaine? Oui, tout à fait, parce qu'il y a quand même 90 entreprises. C'est ça, c'est tout dépendant du domaine d'études. Si je pense aux gens qui travaillent dans le domaine de la santé, des services sociaux, on a une trentaine d'entreprises. De là, l'importance d'aller bien voir notre site Internet, de bien se renseigner avant. C'est comme une grosse entrevue, donc préparez-vous avant, allez sur notre site Internet de l'UQTR, allez voir emploi, tout est bien indiqué. On a bien fait notre travail. Bon, super. Parlez-moi de ça. Là, les gens, pour prendre des notes, ils ne pourront pas encore amener leur iPad parce qu'ils n'auront pas encore gagné. Non, malheureusement. Alors, Mathieu, si vous pensiez arriver avec votre iPad pour prendre des notes, malheureusement, il va falloir attendre la fin de la journée carrière. Fin de la journée, d'ailleurs, qui est une mauvaise chose à choisir parce que les pieds sont plus enflés, je pense. Mais ça, c'est peut-être un conseil pour l'achat de souliers. Je pense que j'ai retenu. Oui, c'est important d'être bien chaussé. C'est ça. Ouais. Arrivez pas avec vos running et vos beaux petits pantalons chics. Ça non plus, c'est pas très beau. Ça clash un petit peu. Oui. Puis, le gagnant de l'iPad, ça va être disponible sur votre site Internet, j'imagine? Oui, de toute façon, c'est ça. Le tirage se fait toujours après la journée carrière. C'est la directrice des services aux étudiants, Mme Marie-France Gagné, qui assure le tirage à chaque année. Donc, oui, ça va être annoncé par la suite. Il va probablement avoir une petite photo sur le site Internet avec gens heureux et sourires et troubadours. Et trompette. Bon. Donc, merci. Yann Martel et Mme Perron, Marie-Ève de son prénom. Ça me fait plaisir. Merci à vous deux. Donc, mercredi prochain, au CAPS. Au CAPS, oui. Merveilleux. Et je pense que vous allez être avec nous lundi prochain aussi pour un petit rappel. Oui, tout à fait, on vous aime tellement. On ne peut pas se passer de vous, messieurs. Ah, même chose, c'est tellement réciproque. Pour vous deux. Merci beaucoup. Donc, vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, on parle avec Gérald, c'est un beau nom aussi, mais Gérard André Baudet. Gab, de son surnom. Pour parler de son plus récent album. Oui, de son lancement ce soir. Mais pour l'instant, on écoute Lovely Feathers. Voici Asif Idol. Searching for my desire. Lovely Feathers et la pièce Ossified Homes à Assemblage Requis. Écoutons tout de suite Gab André Baudet, artiste de Trois-Rivières, qui va avoir son lancement très bientôt. On vous en reparle après. Mais pour l'instant, la pièce Contradiction. Sur C'est Fou. 89. We start the nation with bad intentions. Estimate functions when there's a lack of emotion. It's a contradiction, a contraindication, a matter of application. It's a web of big suspicion. Restrain your reactions. Let's drop superstitions that no longer rhymes with evolution. What creation? It's a contradiction, a contraindication, a matter of application. It's a world of big suspicion. Disconnection. There's no consultation, but just single duplication. It's a contradiction. It's a contradiction. A contraindication. A matter of application. It's a world of big suspicion. Together we can take the action. Why not leave any situation? Ending up bad intentions. Yeah, contradiction. It's a contradiction. A contraindication. A matter of application. It's a world of big suspicion. La pièce Contradiction de Gab, artiste trifluvien à Assemblage Requis au 89.1 FM. C'est fou. On vous rappelle le lancement qui a lieu ce soir. Du côté de l'embuscade au 1571 rue Badeau. Et puis ça commence à 21h pour le lancement. En fait, c'est ça, du mini-album de Gab qui s'intitule Autotune Rock, Folk, Pop. Vous pourrez d'ailleurs découvrir une musique originale qui rappelle le rock des années 70 tout en étant moderne, d'où la fusion entre l'acoustique et le logiciel. Ouh. Gab y chantera 6 de ses chansons. Et ainsi que des vieux succès d'Elvis, Billy Joel et CCR. Wow, c'est quand même bien. Donc, allez retrouver son site web sur reverbnation.com/GabGuitar. Et si vous le ratez à l'embuscade ce soir, il va être aussi en février, le 16, aussi un mercredi, à Saint-Thomas. Ça, c'est dans ta Sorel. Sorel. Ben oui, tout à fait. Il y a des chansons sur son Reverb Nation, donc Contradiction qu'on vient d'entendre. Il y a aussi Talk to Me. Et puis Contradiction, mais un remix karaoké par Bio Bazar qu'on a écouté plus tôt dans l'émission. Donc, allez voir reverbnation.com/GabGuitar. Guitare, G-A-B, guitar en anglais. Hein? Gab guitar. Gab guitar. C'est simple de même. Le lien est évidemment sur assemblagerequis.com si vous avez oublié déjà. Et tu sais, des fois, les formations, ça rentre dans l'oreille, ça sort de l'autre. Chou! Tchoum, tchoum, tchoum! Chibichanga! Comment on dit? Pour l'instant, ça va entendre Panache. Voici le genou de Claire sur ses fous. Restons calmes et n'ayons l'air de rien. Tout sera réglé avant demain. Ce désir-là qui m'arrache la tête, il est peut-être. Toujours j'observe. Avec la pièce Le genou de Claire à Assemblage Requis. Il nous reste 3 minutes à peu près. Et là, on a Gab en studio avec nous pour parler de son lancement qui a lieu ce soir. Et ben oui. On a Gab, c'est Gérard-André Baudet. Et voilà. Mais c'est un des membres du groupe Gab parce que vous êtes plusieurs. On est plusieurs. Salut les gars, ça va bien? Bonjour. Ça va très bien. On est quatre. On est quatre. Sur mon affiche, on est trois, mais j'ai un soliste, un guitariste qui s'est rajouté. Là, mes amis, il ne pouvait pas se libérer. Puis là, je l'ai libéré pour la série de spectacles qui s'en vient. Okay. Bon. Donc c'est une surprise pour ce soir. Japs va être à la guitare. Est-ce que tu veux les présenter rapidement? OK, ben Tom Soy à la batterie, Sébastien Beauregard à la basse, Japs à la guitare et moi-même à la guitare et voix. Donc, c'est en performance live ce soir à l'Embuscade. C'est un lancement d'album pour mes tunes et puis les celles qu'on a sur le mini-album. Ouais. Puis aussi, ben, on va vous donner des covers, là, CCR, Elvis. Billy Joel, entre autres. Et aussi, ben, des nouvelles tunes là, qui ne sont pas sur l'album. Là. Okay. Donc, dans le fond, je vais faire déjà? 5 de mes nouvelles tunes. 5 tunes, 3 de cet album-là. Okay. Puis 2 nouvelles là, complètement trippantes. Là, super. Différentes aussi. L'album va être disponible, évidemment, pour achat là-bas. Et toujours dans les spectacles, j'en ai au Colimaçon. Okay. Puis peut-être Archambault éventuellement, mais c'est à voir. Là. OK, l'album Autotune. Tu vas être à l'émission Le Dîner de Con pour ceux qui veulent plus d'informations sur la formation. Je crois que les détails vont être plus dans cette émission. On va prendre plus de temps tantôt avec Danny et Charles-André. Danny qui a participé d'ailleurs à cet album-là avec un remix. Absolument, puis c'est lui à qui je dois l'excellente photo. Oui, très belle pochette. Très, merci, très belle. Merci, très écoute, j'ai des commentaires de partout. Et puis tout le monde. Je pensais vraiment que c'était. Il y avait beaucoup de Photoshop, mais Danny m'a confirmé non, également. Non, c'est complètement ça, là. Je veux dire, c'est pas vraiment. C'est intègre. C'est ça qui est impressionnant dans cette photo-là. Ouais, tout à fait. Donc, si on veut écouter un extrait, il va falloir se quitter tout de suite. Donc, merci beaucoup. Okay. C'était bref. On est justement avec la version de Danny. C'est ça, exactement. Okay. C'est Contradiction qu'on a entendu tantôt. Donc, si vous voulez la comparer, là, c'est ce qu'on a entendu il y a quelques secondes à peine. Donc, Contradiction Karaoke Remix par Biobazar. Nous, on se retrouve demain matin à partir de 7h, François, avec François Landry et Simon Fitzbé. Voilà. Donc, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bon spectacle ce soir. Merci. À l'Embuscade. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.